Et on va continuer donc avec les objets sonores de Patrick Cayet et Jérôme Poré. Cette fois-ci, C'est Jérôme qui est c'est là. Jérôme qui est là. Salut. Alors Jérôme s'installe. Anne-Rochelle lui laisse la place. Et il est venu avec des bobines de pellicule, je dirais, Ah. de bande magnétique. Ah, c'est plus drôle que ça, en fait. C'est des bobines en fait pour du tissu que j'ai trouvé. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de ce que je voulais vous faire écouter aujourd'hui, suite à ce qu'on va faire ce soir, tous les deux avec mon camarade Patrice. Donc lui, il est allé chercher des disques sur les puces, glaner une forme de discographie vernaculaire. Et ben moi, je vais plutôt dans les recycleries. Et je récupère des morceaux de peau, de cuir, de tissu, que je vais ensuite découper et transformer en des formes de plateaux souples et en disques que je joue. Donc que je mets en place sous forme de presque de tapis sonore, au sens à la fois premier du terme. Et effectivement, à une des recycleries, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ces fameuses petites bobines qui m'a fait effectivement penser à la bobine de film qu'on peut avoir pour du 8 ou du 16 mm. Et qui est assez chouette parce que du coup, c'est adapté au trou central et c'est aussi, je peux aussi décaler. Donc j'ai des dimensions différentes. On va dire que ça joue un peu comme pour le macaron central pour un 45 tours. Donc je vais le déplacer sur ma surface et ça va donner des formes comme ça. Ce type de jeu qu'il peut avoir. Et donc là, le son qui est produit, il est produit par. C'est quoi comme matière ce que tu viens de mettre? Là, c'est un cuir. Alors, il y a des termes qui sont employés, c'est par exemple peau de chagrin ou cuir de fatigue. J'ai l'impression qu'il est un peu strié ou quelque chose comme ça. Absolument, en fait. Donc, ils ont des marques, ils sont marqués parce que ça sert pour. C'est souvent des écoles dans déco qui utilisent ce genre de choses pour des meubles ou pour du costume. Donc, c'est la récupération de fin d'année en général suite à des salons, de choses comme ça, de déco. Et donc, il y a des matériaux de plus ou moins nobles, plus ou moins artificiel, synthétique, etc. Et donc celui-ci, donc effectivement, il est strié noir et on a ce son de la striure qui est sous le micro, donc en fait de la cellule. Et on va pouvoir l'interpréter. Donc évidemment, il faut aussi imaginer que sur une table de mixage, vous allez pouvoir en mettre en place les aigus, les médiums et les graves. Donc on va quand même trouver un certain type de matière à transformer légèrement, donc à coloriser. On va mettre une couleur. Après, on est vraiment, en général, on trouve une ou deux formes, pas plus par surface. Mais à chaque fois, on va avoir des éléments différents. Donc là, j'en ai mis une. Et juste, si tu Ouais. choisis de mettre une bobine en plastique par-dessus, c'est pour maintenir la tête de Exactement, lecture. parce que donc la tête va partir par la force de la gravité, elle va aller vers le centre. Donc ça va nous permettre en fait de la retenir. Donc de produire, d'avoir les mains libérées. Donc on se retrouve avec des formes de rythmique. Donc la même surface, mais avec le dégagement de la. Donc on a presque une forme de ce que Martin Tétrault appelle le patinage. Donc là, on a un décalage de la cellule sur la surface. Et ce qui est assez beau, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, elle va finir par dessiner. Donc on va avoir les surfaces qui vont se graver. Donc il va avoir en plus, il y a une vraie application de la cellule qui petit à petit va faire un dessin. sur la surface. Il va y avoir un dessin qui va se mettre en place. Donc on a un transfert en fait, on a une trace qui est dessinée au fur et à mesure de la lecture qui est faite de ces matériaux. Donc c'est ce genre d'objet que j'utilise. Et le terme que j'ai employé, effectivement, c'est peau de chagrin et cuir de fatigue, puisque c'est des termes qui étaient employés pour un certain type de cuir pour les animaux. Donc les cuirs de fatigue, ça correspondait en fait à la sellerie qui était portée par les bœufs, par les animaux de trait. Donc il y a dans l'imaginaire porté comme un outil par un autre outil qui était l'animal domestiqué, donc qui était des éléments pour pouvoir porter des charges. Et le chagrin, c'était le terme employé en fait, c'est un mot qui vient du turc, qui était en fait qui est le haut de la croupe, pareil, des animaux type âne, mulet. Donc c'était aussi un terme qui renvoyait une forme de condition de l'objet dans son rapport à l'animal-machine et à la machine évidemment de la platine qui va transmettre ses... Donc on va avoir toutes les textures possibles et imaginables. Donc évidemment, au travers de ça... Tu veux dire ça, selon les cuirs que tu utilises ? Selon les cuirs, selon la nature. J'en ai un, par exemple, j'ai récupéré de l'anguille cousue. Donc en fait, c'est des toutes petites peaux. Imaginez comme les coquillages, les couteaux. C'est vraiment ça. Donc c'est des languettes comme ça, cousues les unes à côté des autres. Donc en fait, on a la couture. Donc on a un truc comme, un peu comme un tuiletage, hein, c'est tuilé en fait. Donc on a une rythmique qui va se jouer à double sens parce que ça touche à la fois la couture et c'est aussi séquencé, c'est découpé par plusieurs. Donc on a une espèce de double orientation en fait de la rythmique et la surface est très très très fine, extrêmement fine. Donc c'est un chintement à la fois très très très doux qui est comme ça par des espèces de rythmes qui viennent par les coutures. Donc on va avoir des états de surface extrêmement différents qui fait que ça sert un peu évidemment comme un tapis sonore en fait. Donc là-dessus va se poser des objets comme Patrice récupère et glane, de fragments, de voix, de choses comme ça. Et en fait ça vient vraiment par couche. C'est vraiment dans l'idée vraiment de créer de la strate, de la couche, ce qui bon, pour des peaux fonctionne plutôt assez bien. Et on a des états de surface extrêmement différents. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est qu'à l'oreille, on dit c'est curieux, ça sonne, c'est pas un objet synthétique. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui se matérialise. Ouais, moi, je sais que l'image que j'ai en entendant ça, c'était plus vraiment une sorte de dérapage de voiture sur l'asphalte ou quelque chose de sorte. Tu peux avoir des formes, comme c'est quelque chose que je fais aussi en workshop, en école, j'ai à chaque fois des découvertes incroyables, quoi. Ça va de, pour une anecdote, c'était un saucisson très très gras, c'était du salami, je crois. Et non, de la rosette. Ouais, c'est ça, c'était de la rosette. Donc un étudiant a fait un disque en rosette, donc il a découpé ses rosettes, il a vraiment fait ça très, très sérieusement, et il fut terriblement déçu de la réception, parce que c'était tellement gras qu'il n'y avait rien qui sortait. Mais c'était très beau, parce que c'est une espèce d'objet totalement improbable pour un résultat où, en fait, il n'y avait rien sous la cellule. Ça glissait d'une force. Mais on avait... qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu des objets comme... les écrans plats. Et donc, il y a une étudiante qui avait déconstruit l'écran plat et avait sorti des films. Donc, ils sont des espèces de rhodoïdes. Dont en fait le fil qui fait le découpage de la lumière pour transmettre l'image sont dans des sens. Donc en fait il y a un film qui est sur l'horizontale, un film qui est sur la verticale, un qui est en diagonale. Donc c'est vraiment l'état de surface est à peine lisible, on a juste un reflet un peu arc-en-ciel. Et en fait dès qu'elle a mis la cellule dessus, on avait un zip, mais c'était de la synthèse. On avait un son électronique des années 60, c'était extrêmement beau. On va avoir des objets comme ça trouvés par une espèce de rapport à la déconstruction des machines ou de l'objet trouvé pur. Mais est-ce que ça marche aussi avec du tissu ? Parce que ça me surprend que les coutures pour l'anguille, ça n'agrippe pas. Ouais, c'est un des rares. Donc, effectivement, sur des coutures assez larges, ça va. Mais effectivement, la plupart des mailles, c'est compliqué. Le seul travaux que j'ai vu qui a fonctionné, c'était une charlotte. Donc il y avait un disque 78 tours avec une charlotte, donc pour les cheveux longs, pour pouvoir se doucher avec. Et donc la charlotte en plastique, elle était entourée du disque. Et la main était très très large. Et effectivement, la cellule ne s'est pas agrippée dessus. Et on avait un clapotement en fait d'eau, très très très très doux, qui venait et qui en même temps tranchait la surface du 78 tours, qui tournait relativement vite. Donc on avait des accents à la fois très concrets, en même temps des espèces de lectures, enfin, tout ça, ça se mélangeait, c'était assez beau. Et avec les peaux des animaux, est-ce qu'il y a des différences substantielles que... Carrément, j'ai récupéré des cuirs de céleri, j'en ai récupéré. Alors c'est très épais, donc du coup là je fais des entailles. Donc du coup je vais vraiment intervenir sur le cuir lui-même et je vais faire des entailles très, très différentes. Et là je vais avoir plutôt des objets qui vont aller vers du médium, médium grave. Et pour obtenir vraiment des très bonnes basses, il faut plutôt du linoléum et des caoutchoucs néoprènes. Et ça marche très très très bien. Et tu peux arriver à des formes mais vraiment de rondeur et de chaleur assez incroyables. Ça marche très très très bien. Et je me demande à quel point ça bousille la tête de lecture et à quel point on peut faire ça tous avec nos platines vinyles ou il faut utiliser une platine vinyle dédiée à ce genre d'expérimentation. Ah, totalement dédiée. Alors enfin, c'est pas tant la platine, hein. C'est surtout les cellules. Donc elle, voilà, ce soir après le set, on la change. Donc oui, c'est un bouffe. Oui, c'est à ce niveau-là. Alors il y a moyen de pouvoir traiter la cellule par des systèmes de soudure, de mettre des aiguilles, etc. Ça se pratique hein, dans ce qu'on appelle le platinisme, le turntablisme en anglais. Le seul truc, c'est que ça perd en sensibilité. Donc c'est fait vraiment pour faire des objets un peu durs, un peu rêches. Mais dès que c'est dépôt, en fait, ça l'aggrave très très vite et ça perd sa sensibilité. Donc on travaille moins avec la mixette. Donc je préfère perdre. Donc je mets juste une petite goutte de colle UU sur le bout de l'aiguille pour pas qu'elle parte trop vite. Et voilà. Et ça. J'ai fait des sets en fait où le but était le set était la durée de la cellule. Donc voilà, ça durait des fois 15 minutes, puis des fois ça durait une heure. Mais donc des fois il y a des sortes de DJ sets qui mélangent salami, charlotte et... Exactement. Exactement. Donc ce soir vous allez jouer dans votre installation. C'est ça, hein, oui. Ouais. Vous allez nous dévoiler un peu toute la palette des possibles. On va vous montrer des un petit peu ça, ouais. Absolument, avec Patrice et ses disques trouvés. Et moi, cet après-midi, j'ai repéré quelques Emmaüs et recyclerie et je vais essayer de trouver des matières pour ce soir. Donc ça va être un peu en pièce réalisée ici à Genève avec les objets que vous avez. C'est un peu glané. Le but en fait. C'est vraiment à chaque fois de ce qu'on glane au jour le jour, de pouvoir les transformer, les faire écouter, les faire découvrir au public. Donc c'est ce soir à 21h et c'est à la salle des Pas Perdus, donc Patrice Caillé et Jérôme Poré.